Redline, d'Alexandra Badea. I am here to speak for all generations to come. Réalisation, Baptiste Guiton. I am here to speak on behalf of the starving children. Premier épisode. Elle regarde l'heure et son visage se crispe. Le temps l'a devancée encore une fois. Et ce corps lourd qui a du mal à s'activer suffisamment. Elle boit son troisième expresso. Elle se souvient d'un documentaire sur l'impact de la production du café sur les déforestations. Mais bon, cette fois-ci, elle n'a pas le temps de culpabiliser là-dessus. Elle se demande juste s'il y a quelque chose à faire autour de ça. Depuis un an, depuis qu'elle a été nommée négociatrice nationale pour le climat, les mêmes mots tournent dans sa tête. Elle les regarde planer, mais elle n'arrive pas à les saisir sur un bout de papier. Elle préfère l'action, le combat, le corps à corps. Et dans cette mission, tout reste au niveau du langage. Une virgule est plus difficile à surmonter qu'un sondage négatif 10 jours avant les élections. Son ventre lui fait mal. Elle compte encore une fois les jours. C'est bon, ça devrait être bon, t'as fait attention. Et pourtant, elle oublie souvent ces choses-là. Tout est possible, finalement. Elle regarde encore l'heure. Il faut bouger. Elle appelle son mari en montant un peu le ton de sa voix. Je suis en retard! Ça fait toujours un bon effet. Tu me déposes? D'accord, bien. 10 mots. Ça va. Ça ne dépasse pas la moyenne du matin. Son échange avec lui se résume à 3 ou 4 phrases utilitaires. Sinon, chacun reste à l'abri de ses écrans. La voiture roule. Elle regarde les rues défiler en révisant dans sa tête l'agenda de la journée. Arrête ! Je descends là. T'es sûre ? On y arrive tout de suite ? Je peux pas arriver en voiture, je te l'ai déjà dit. Je vais prendre un vélo. Me regarde pas comme ça. Je te dis depuis un an de prendre une hybride, c'est pas cohérent de négocier la réduction des émissions et de se promener en bagnole. Et à Bonn, tu iras comment ? En trottinette ? C'est pas pareil. Tu veux bien là ? Oui, pourquoi ? Là, là, dans ce poste, tu es bien? J'ai pas le temps de parler de ça. Vas-y, parle du climat, c'est plus urgent. Elle claque la porte de la voiture avec beaucoup de force. Oui, c'est plus urgent de parler du climat. 20 millions de réfugiés climatiques. Non, pardon, des migrants environnementaux. Des déplacés, quoi. Enfin bref. La désertification des continents. Les ouragans, la fonte de la calotte glaciaire. Mais c'est bon, arrête. Tu es seule. Personne n'est devant toi, t'as personne à convaincre, rien à négocier. Respire. Elle s'arrête. Elle respire. Tu es bien là ? Tu es bien là ? La question ne se pose pas comme ça. Il faut travailler les nuances. Elle est bien dans la politique. Elle monte, c'est ça qui compte. Elle est parmi les plus jeunes négociateurs nationaux. Le climat est en vogue. Oui, elle aurait aimé être ailleurs, aux affaires étrangères. Fonctionnaire international, pourquoi pas ? Mais ça va venir. C'est pas grave. Pour l'instant, il faut juste se montrer, innover, épater, gagner confiance. Il est assis à une table, un peu à l'écart des autres, dans le grand salon du grand hôtel. Enfin, il prend son temps. Avant, il mangeait une biscotte à l'épeautre bio en s'habillant pour éviter le face-à-face avec sa femme et ses enfants. Il y avait trop de bruit autour de la table ronde de sa cuisine, et trop de pain, de sucre et de graisse. Il fallait faire attention à sa ligne. Un ministre doit être aujourd'hui comme un sportif de performance ou une égérie pour Dior. Sinon, il perd complètement sa crédibilité. Là, il s'en fout. Il remplit son assiette une troisième fois. Il a une petite hésitation en passant par la table charcuterie, vu le dernier rapport de l'OMS, mais franchement, un cancer ne lui ferait pas grand-chose en ce moment. Sa femme lui a claqué la porte au nez. Sa famille lui manque, en quelque sorte. Avant d'accepter ce poste et d'entrer dans la politique, il y croyait vraiment. Il pensait que ses enfants seraient fiers de lui. Ministre de l'écologie, rien de plus valorisant. Le mec qui peut changer le monde. Surtout là, quand on ne parle que de la planète qui crame. Mais en 16 mois, tout a changé. Sa femme lui reprochait chaque soir ses absences, ses retards, ses enfants le boudaient. Franchement, j'ai des dossiers brûlants et vous me parlez vacances et anniversaires. La phrase qui a fait explosion. La phrase de trop. La goutte. Le réchauffement climatique de son couple. Il regarde l'écran de son portable. Il aimerait que sa femme l'appelle, mais rien ne bouge en dehors des aiguilles de sa montre virtuelle. Il se lève et s'en va. Il n'a qu'à traverser la rue et il se retrouve devant son ministère. Au loin, il voit la négociatrice en chef. Il aurait aimé l'éviter ce matin. Il n'aime pas trop cette fille. Il aurait voulu imposer à sa place un copain. Ça n'avait pas marché. Elle attache son vélo à la borne. Elle presse le pas. Arrivée après son ministre, ça ne se fait pas. Elle monte les marches. Elle le rattrape. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Vous allez bien ? Vous avez le premier jet de la contribution ? On est en retard. Je vous l'envoie après la réunion avec le comité technique. Vous venez avec moi ? Non, j'ai d'autres rendez-vous prioritaires. J'attends le texte avant ce soir. Ça y est, il va retrouver son ton aride, son regard acide, l'autorité innée. Elle se dirige vers l'ascenseur. Il prend l'escalier. Il veut éviter à tout prix de prolonger la discussion. Ça l'arrange. Elle n'avait plus rien à dire pour dissimuler son retard. Les portes se ferment. Elle le regarde à travers les vitres, sans qu'il la voie. Il a l'air triste. Rien à voir avec l'armure d'autorité de tout à l'heure. Elle le regarde. Elle ne sait pas pourquoi elle prolonge ce moment. Elle le regarde et en le regardant, elle se reconnaît dans cette tristesse. Dans cette armure qui se fissure. Dans cette autorité de pacotille. Dans ce mensonge sans fin. Vous venez d'entendre Redline d'Alexandra Badea. Premier épisode avec Tiphaine Rabot-Fournier, la négociatrice sur le climat, Nicolas Gonzalez, son mari, Jacques Gamblin, le ministre de l'Environnement, Johanna Nizar, sa femme. Réalisation, Baptiste Guiton.